Un dernier coup de vin et l'assaut reprend. Jeanne s'élance, son étendard au poing, les assaillants autour d'elle bondissent comme des balles de caoutchouc. À ce moment, un pigeon vole au-dessus de Jeanne. Elle l'aperçoit et, désignant le présage aux troupes, elle s'écrie « Entrez ! Entrez, les enfants ! Tout est vôtre !» Et en un clin d'œil, 1000 échelles se dressent contre le rempart. De toutes parts, des hommes escaladent la Bastille à la queue leu-leu. Les murs, comme par enchantement, se fleurissent de soldats grimpeurs. Mais devant ce spectacle, le peuple d'Orléans, qui est de l'autre rive, suivait des yeux le combat. Le peuple n'y tint plus. La foule s'élança sur le pont dans un enthousiasme terrible. Hommes, femmes, enfants, sanglotant de joie, bondissant d'allégresse, déferlés devant les tournelles. Une mer de peuple accourait à la rescousse. Tout Orléans, comme un seul homme, venait chasser les Anglois. Déjà les tournelles sont prises, des flammes de plaisir naissent parmi les murs. Une épouvantable odeur de poudre fait chavirer les hommes et le ciel. Ça et là des soudards de poils et de fer, les pieds dans des mares de sang et gorge à grands coups les derniers Anglois. Glacidas, cherchant à fuir, se noie sous les yeux de Jeanne. La pucelle, le regardant boire, lui crie en blaguant « Eh eh eh, monsieur Glacidas, c'est toi qui me traitas de putain, tout m'évocasti putana, eh ben à la tienne !» Et en un tournement, en 3 jours, quoi, Orléans était délivré.